C'est Nintendo Wii. À la télé, y'a le Super Bowl, mais nous deux, ça on s'en fout. Bienvenue à Nintendo Wii. Y'a juste de l'air par terre, et puis un volcan qui dort. Sans parler du château de la princesse Zelda à côté, y'a une voleuse qui a pris mon sac, j'ai dû donner un bon guili. Y'a des abrutis qui se marrent, ça fait donc des cons qui rient. J'aime bien les auras, mais auras plus vraiment de sens. Y'a Malon qui boite un peu parce qu'elle a Malon talon. Y'a des mojo qui dès qu'ils te voient, je te jure, ils ont envie de te moger. C'est Nintendo Wii. Nintendo. Oui, Nintendo Wii. Tap, tap, tap, dis tout. Si tu aimes les garçons, les filles, c'est que tu as un cœur. Bienvenue à Nintendo Wii. Ce pays magique où il y a partout des blocs à champignons. Mais que si tu te cognes en dessous, t'es sûr de te choper un gnon. Y'a un plombier nommé Mario, mais son frère Luigi c'est pas la princesse et sans la biche. Mais elle a de beaux airs. Les tortues coupent pas, c'est sûr qu'on n'y coupe pas. À part peut-être Yoshi, ou ça serait Yosh. Non, y'a des tuyaux et des fleurs qui permettent de balancer du feu. C'est Nintendo Ville. Show your moves. Oui, Nintendo Ville. Le Captain Falcon y est, mais en fait c'en est un vrai. Bienvenue à Nintendo Ville. On ne s'amuse plus, parce que le Metroid, y'a Kéké la glisse, qui a des picrosses pas compliquées. Tu roules, puis tu vois des cornériens, et te v'là Nintendo Ville. C'est Nintendo Ville. Oui, Nintendo Ville. Blablabla. Savez-vous planter les choux? Moi je fabrique les Pikachu. Bienvenue à Nintendo Ville, c'est Nintendo Ville. Oui, Nintendo Ville. Nintendo. Y'a un prof qui est plutôt basse et qui nous fait des cours de maths. Bienvenue à Nintendo Ville. Si t'es en haut et que tu veux faire un popo, méfie-toi en bas, tu pourrais bien faire un anabala. C'est étonnant, c'est vraiment un Donkey Kong. Bienvenue à Nintendo Wii.